Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'avoir avec moi Hugo. Hugo, bonjour. Salut Lia. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Alors, tu es venu nous parler de ton dernier EP, ton premier, pour la famille, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, avant de commencer, je vous propose, parce que vous le savez, il y a eu quelques petits soucis ces derniers temps. Tu as réussi à braver tout ça. Je parle bien, de l'action des Gilets jaunes. Lee Signaux, qui fait partie de l'équipe Radio Gémozo, a été recueillir quelques témoignages. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Bonjour. Ouais. Et le but de cette manifestation pour vous ? Écoutez, moi c'est comme tout le monde, le pouvoir d'achat qui descend, le gasoil qui fait que d'augmenter. Ça fait plus d'un an qu'on voit nos fins de mois qui réduisent alors que nos salaires sont toujours les mêmes. Quoi. D'accord. Donc on a beau nous donner un semblant de vie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on nous donne l'accès à avoir une maison, une voiture potable, des petits hobbies. Mais sorti de là, on arrive en fin de mois, on est tous pareils, on tire les deux bouts. C'est une consommation qui nous fait sans cesse acheter parce qu'on est dans un système où on nous fait acheter. Mais à côté de ça, c'est juste pour nous leurrer. Et techniquement, le changement de voiture, quand ils vous proposent 4000 euros, peut-être que vous n'avez pas droit, vous, aux 4000 euros. Le problème, c'est que oui, c'est moi personnellement, j'ai pas droit, mais. Ouais. Et vous pouvez pas aller loin avec ça non plus. Puis quand on voit le prix d'une bagnole à l'heure actuelle. Et puis bon, c'est facile de faire croire aux Français qu'on a accès à quelque chose. En attendant, c'est des Français qui sont au SMIC à 1100 ou 1200 balles. S'ils ont accès à ces 4000 euros-là, on va leur mettre un crédit sur le dos de 5 ans. Donc un crédit, plus un crédit, plus un crédit, plus une télé, plus un frigo qu'on va acheter en 10 fois sans frais. Les gens, ils sont complètement étouffés. On arrive enterré, quoi. C'est ça. Mais bon, vous savez, on n'a rien changé par rapport au Moyen-Âge, en fait. Sauf que c'est plus moderne, quoi. Mais voilà, il y a les gens qui ont le pognon et puis ceux qui, en dessous, travaillent pour tout le monde. Et après, votre plus grand souhait aujourd'hui ? C'est de rééquilibrer les choses. Bien sûr qu'il faudra toujours des gens, des patrons qui ont beaucoup d'argent, qui nous font travailler. Mais il faut qu'on ait un minimum de pouvoir d'achat, c'est tout. Si on veut que tout tourne correctement, après il faut arrêter aussi tous les actionnaires, tout ça, qui se rincent sur les grosses sociétés. C'est vraiment aberrant, c'est écœurant même. Je veux dire, on arrive à un moment où c'est que on travaille, on nous sucre les primes, on n'a plus rien, les primes, tous les acquis qu'on avait eus. Ou que nos parents avaient eu, ou nos grands-parents, on nous les sucre à fur et à mesure, quoi. En nous faisant croire plein de choses, c'est-à-dire l'accès à la propriété, l'accès à ceci. Mais bon, on n'a accès à rien du tout, on est propriétaire de rien du tout. Aujourd'hui, c'est que des leurres. C'est un ras-le-bol complet. C'est sûr que là, oui. C'est sûr que. De toute façon, vous voyez bien la mobilité. Oui, Elle est partout et générale en France, de toute façon. Et encore, je trouve que c'est fait intelligemment parce que bon, les gens sont quand même assez assez disciplinés, assez souples. Il n'y a pas trop de casse, on voit rien. Enfin, nous, dans notre région, là, en tout cas. Après, j'ai entendu ce matin qu'il y avait eu quand même un mort. C'est déplorable. C'est vrai que ça n'aurait pas dû, mais bon, ça fait partie des accidents et ça, on peut pas les mesurer, on peut pas les prévoir. Mais bon, ils ont vraiment de la chance que ça se passe encore très bien parce que on n'est pas loin du mai 68 quand même. À force, beaucoup de monde considère mai 68, novembre 2018, on n'est pas loin. C'est un début. Se méfier quand même parce que c'est un début. Là, on a réussi à rassembler énormément de gens. Donc, Vous laissez bien passer les secours, il n'y a pas de souci. Vous voyez, écoutez, ça passe. Sans problème. On voit bien. Ils sont pas ralentis du tout. Non, mais et puis il n'y a pas de blocage total. On voit bien que les gens qui ont des soucis, ils passent. Il n'y a pas de blocage total. Mais c'est le but quand même, c'est de perdurer quand même. Je pense que c'est de perdurer, mais le but aussi, c'est de montrer que maintenant, ça y est, les Français n'ont pas que de la gueule. D'accord. Ils sont tous solidaires. Aujourd'hui, on est dans la rue. Voilà. Et vous voyez qu'il y a tout le monde. Que ça soit toute classe sociale est là. Toutes les classes sociales sont là. C'est du chômeur. Du chômeur au à l'artisan. Je connais ici, je connais des artisans qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, l'État il pousse à changer de voiture, mais un chômeur qui gagne par exemple 800 euros par mois, il ne peut pas. Enfin, aucune banque va lui faire un crédit. Déjà, le chômeur, ils n'ont pas tous une voiture déjà. C'est ça, hein, c'est... Oui. Ou alors, c'est des vieilles. Ou alors, ils ont du mal. Voilà, il faut qu'ils l'entretiennent. Oui, non, mais on est dans un système où c'est qu'on nous donne une miette pour nous reprendre la moitié du pain. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Hein. C'est ça, de toute façon on nous donne d'un côté pour reprendre de l'autre. Donc c'est un ras-le-bol général. Bah oui, de toute façon c'est simple. Vous remontez 5-6 ans, c'est pas vieux, hein, 5-6 ans en arrière, et vous regardez ce que vous aviez en fin de mois, une fois que vous aviez tout payé, et puis vous regardez à l'heure actuelle. Ouais. On va pas dans le mieux, on va dans le pire. D'accord. Je suis désolé, c'est le seul constat à faire. Hein. C'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont beau nous faire croire qu'ils nous enlèvent ci, les taxes d'habitation, les ceci, les cela. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de mois, on est quand même au fond du gouffre. Hein. Ouais. Donc, les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Ah bah c'est clair, oui, de plus en plus. Vous faites quoi comme métier ? Je travaille dans l'électronique, moi. L'électronique ? Ouais. Ouais, vous êtes embauché ? Ouais, je suis embauché, oui. Moi j'ai vu mon train de vie réduire considérablement en 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, j'arrivais en fin de mois, j'avais encore de l'argent sur mon compte. D'accord. Aujourd'hui, j'arrive quasiment à zéro. Ouais. Et j'ai encore de la chance d'arriver qu'à zéro. Et vous battez pour vous, pour les Français non, en moi général. Je me bats pour tout le monde. Enfin, je me bats pas, je me révolutionne pour tout le monde. Quoi. C'est pour tout le monde. D'accord. Montrer qu'on est solidaires et que cette fois, on est tous ensemble dans la rue. C'est surtout ça. Parce que bon, ils ont toujours eu la trouille de. Enfin, c'est pas qu'ils ont eu la trouille. Au contraire, ils ont plus l'impression que jusqu'à maintenant, on aboyait tous dans nos coins, dans un bistrot, dans nos usines, dans ceci, dans cela. Personne n'était groupé. Là, aujourd'hui, on voit que tout le monde est groupé, quoi. Ouais. C'est comment votre nom, votre prénom ? David. David. David. David. David. David. David. David. D'accord, voilà. Ça va. Merci beaucoup, David. De rien. On peut prendre une photo de vous ou pas du tout ? Non. Non ? Non. Bon, bah d'accord, ça marche, pas de souci. C'est pas ça vis-à-vis du travail, pas de souci. Merci à Lissigno pour ce retour sur cette action des Gilets jaunes dont vous avez sûrement entendu parler. Alors on revient avec Hugo, donc mon invité du jour. J'espère que tu vas bien, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler de cette EP qui est sortie donc le 1er juin, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors cette EP, la mise en forme, etc. Ça t'a... Ouais, ça s'est super bien passé. Ouais, ça t'a pris ça vous a pris combien de temps de faire tout ça ? Alors je rappelle que tu viens des studios Airplay, hein, studios Airplay qui te soutiennent, que l'on salue. Et voilà, combien de temps tu as mis pour mettre en place cette EP ? On a commencé en février 2017. Ouais. Donc voilà, c'est un EP 5 titres, donc voilà, le temps de faire les petites modifications sur les musiques. Eh oui. C'est normal, le temps de se lancer. Normal. Mais oui, du coup, février 2017, j'ai commencé, et puis, il est sorti il n'y a pas trop longtemps. Eh oui, il est sorti il n'y a pas très longtemps, voilà. Et je rappelle que tu étais déjà passé nous faire un petit coucou il y a quelques temps. C'était ça, hein, à la sortie de mon premier clip. Eh oui, Karaté, qui a quand même fait un bon bout. Moi, j'ai adoré ce son, et d'ailleurs, je ne manquerai pas de vous le passer. Hein, ce son hein, qui fait partie justement de cette EP donc de 5 titres qui vient de sortir il y a peu de temps. Alors j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu t'es lancé un petit peu dans ce monde du rap ? Depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Donc voilà, je vais en avoir 23 là. Ouais. Donc ça fait déjà un petit moment. D'accord. Voilà, et pour le moment tout se passe bien, ça va. Avec le studio tout va bien. Ouais. Et on est en train de faire mon premier album au studio là. Ah, voilà. Ça y est, l'album est en cours. Ça commence. Alors ça y est, on passe un cran hein, quand on fait l'album. Ouais, c'est sûr. Bah, plus de sons, donc plus de boulot. Eh oui. Voilà. Est-ce que c'est toi qui écris toutes les paroles de tes sons ? Ouais, c'est moi qui écris tout. Ah ouais, donc là j'imagine que ça va y aller dur. Voilà, bah, j'espère bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le rap quand tu avais 14 ans ? Bon. Pourquoi le rap ? Moi j'aime un peu tous les genres de musique, j'écoute pas que du rap, j'écoute aussi un peu de rock. Ouais. Enfin, j'ai commencé quand j'étais petit, j'écoutais que ça, que du rock. D'accord. Voilà, puis après mes copains ont commencé à écouter du rap, donc j'écoutais avec eux. Mais oui, je suis assez ouvert pour ce qui est de la musique. D'accord, j'écoute rock, rap, pop. Puis voilà, après les autres genres, je veux bien écouter aussi. Ah bah t'as carrément raison, il faut être éclectique, ça c'est bien de laisser libre champ à son horizon, c'est parfait. Voilà, donc le rap, toi t'as décidé de te lancer dedans, ouais. Ça te permet un petit peu d'exprimer ce que tu ressens ? Ouais, ça m'aide. Ouais. Ça m'aide. Puis, c'est mieux avec le studio, comme j'avais dit avant. Ouais. Avant j'étais chez moi tout seul. Eh oui. Donc comme studio, voilà, c'est difficile, j'essaie d'acheter le matériel, mais... je savais pas trop comment brancher tout ça. Ouais, donc la qualité était pas top. C'est sûr. Voilà, avec le studio, c'est beaucoup plus facile. Et puis tu te sens soutenu, je suppose. Voilà, c'est un petit peu une grande famille, ce studio Airplay. Hein. Ouais, c'est une nouvelle famille, quoi. Voilà, et ça fait plaisir. Une famille maintenant, c'est nickel. Ah bah voilà, carrément. Il faut. C'est fait pour, justement. Est-ce que voilà, c'est important de se sentir soutenu quand on écrit, quand on fait de la musique, quand on se lance un peu dans ce monde. Ouais, quand même. Ouais. Quand je fais écouter mes sons à Dorian, donc je lui fais écouter l'instru que j'ai choisi. Ouais. C'est l'ingé son Dorian, c'est ça? Ouais, c'est ça, okay. L'ingé son du studio. Ouais. Donc quand je lui fais écouter les sons, que je rappe dessus, que je le vois commencer à bouger la tête, ça fait plaisir. Moi, je me dis, ça va, il a pas l'air trop pourri, le son, là, on va peut-être le mettre. Il s'ambiance. Voilà. Du coup, avoir un retour un petit peu objectif, ça c'est important. Tu fais écouter de temps en temps tes sons à tes amis, ta famille? Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps, ouais. Ils donnent un petit peu leur avis? Inédits. Ouais, puis ils me disent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Ouais. Donc après, j'essaie un peu de modifier ça en fonction de tous les avis que j'ai récoltés. Eh ben ouais, carrément. Voilà, pour avoir un truc qui va plaire globalement à tout le monde. T'es ouvert à la critique, ça c'est important, j'imagine, pour un artiste, ouais. De pouvoir savoir le pour, le contre, et puis d'évoluer grâce à tout ça, parce que les critiques, c'est pas que négatif, hein, ça permet d'évoluer. Oui, et ça, c'est important. Donc elle est constructive, ça va. Voilà, tout à fait. Alors, on va se passer ce son karaté que j'ai très beaucoup aimé. C'est pour ça que je t'avais fait venir la dernière fois, parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce son. Il y a eu un clip de tournée, justement, pour karaté. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais on fait un petit retour dessus. Ça s'était passé comment, ce clip? Alors, on l'a tourné en août 2017, je crois. Ouais. Ou alors il est sorti en août, je ne sais plus. Ouais, à peu près, quoi. C'était mon premier clip, donc un petit peu de stress, mais ça va, ça s'est bien passé. J'avais clippé avec Nuit Blanche, production d'Épinal. Ouais. Donc il m'a refait le deuxième clip aussi. D'accord. J'ai gardé les mêmes. Ouais. Ils sont bien, donc on ne va pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne, voilà, comme on exactement. Dit. Et du coup, voilà, tu avais tourné ce premier clip un petit peu dans le stress, mais au final, le résultat, etc., ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Ça doit faire drôle de se voir comme ça sur un clip. Ouais, au début, ouais, c'est bizarre un peu. Ouais. Mais bon, c'est réussi. Bon, ça va, on s'habitue vite. C'est réussi. Et puis, ce clip, comme l'autre, est disponible sur ta page YouTube. C'est ça, ouais. Hein, comme ça, si jamais vous avez envie de passer faire un tour pour voir Hugo et son premier clip karaté, eh bien, ce sera par là. Et puis, franchement, à mon avis, ça va vous plaire. Hein. C'est gentil. Ça sent l'été, en tout cas, ça réchauffe. Alors, on s'écoute ça tout de suite, si tu veux bien. Pas de soucis. Et puis, on se retrouve juste après. T'as craché, tu le sais, c'est mal. Gare à m'équiper ma familia. Il y a qu'un frère qui me ferait baisser ma garde. Feu si l'attaque il y a. Tu commences à les balper ses mailles. T'arrives en voulant t'engraisser ma Vic, t'y pensais gros, me baiser moi. Bouge, je ne suis pas de similia. Airplay est bien trop aimable. Premier EP dans nos propres mains. Personne ne pourra la tromper ma plume, je rapperai bien trop demain. Je vois que dans la rue beaucoup trop t'aima. Ce que t'as fait, ce que raconteront tes marques. Depuis petit peu je voulais gratter ma vie. Pas de casser, je vois que tu t'es trompé mal. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. J'ai perdu des proches, j'en ai perdu des amis. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je le maillais grave et m'en bas des avis. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je te baiserai, t'as remis son karaté, karaté. T'as kiffé, nous voit de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. J'te baisserai ta rue, mais sans karaté, karaté. T'as kiffé, nous voit de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté. Qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. T'as posé, tu vois, c'est fort. Ton inspiration, c'est parsemé. J'ai les vrais, je n'écoute pas tous ces faux. J'pourrais sortir un son par semaine. Pourquoi tu fais le marmé? Sur tes bulles d'air, il n'y a pas de semelle. Des go beaucoup nous ont charmés. Dans mes bras, elle n'arrête pas de se mettre. Les graines ici-bas sont arsemées. Fais tirer le tarpe, Jack, et je n'ai pas de sommeil. Je te l'ai dit, Gaillou n'a pas de sommeil. Dans quelques années, je te dirai que je n'ai pas de semaine. Les graines ici-bas sont arsemées. Fais tirer le tarpe, Jack, et je n'ai pas de sommeil. Je te l'ai dit, Gaillou n'a pas de sommeil. Dans quelques années, je te dirai que je n'ai pas de semaine. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. Des proches, j'en ai perdu des amis. J'voyais la richesse venir et s'en aller. J'le maille émaillé gravement bas des avis. J'ai commencé, tu ne m'as donné qu'une année. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je te baisserai ta remise en karaté, karaté. T'as qui belle ou voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Ta remise en karaté, karaté. T'as kiffé nous voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté. Qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. J'te baisserai ta remise en karaté, karaté. T'as kiffé nous voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. J'te baisserai ta remise en karaté, karaté. T'as kiffé nous voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté, qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté, tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Et voilà pour ce premier son karaté tout droit sorti eh bien, de ton EP Yugo. Voilà, son qu'on avait déjà un petit peu diffusé. Puis je t'avoue que j'avais diffusé même quand tu n'es pas venu à d'autres moments. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je fais partager. Ça fait plaisir. Merci à toi. J'imagine que voilà, maintenant il y a un petit réseau qui s'est un petit peu construit autour de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Ouais, sur ma page Facebook. Ouais. Et sur YouTube aussi, c'est pas mal monté depuis la sortie du premier clip. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus te voir notamment à la première partie des Sages Poètes de la Rue que tu as fait avec Toulikal il y a peu? Enfin, il y a le 1er décembre 2017. Ouais, oui, ça fait déjà un an, c'est vrai que ça passe vite. C'est vrai que ça passe vite. Ça s'était bien passé, cette première partie? Ouais, nickel, c'était bien. La salle était bien, l'ambiance était bonne. Ouais. Voilà. Après, c'est toujours dur de commencer... Avant des artistes assez connus. Ah mais c'est sûr. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu as pu les rencontrer? Ouais. Et échanger avec eux sur leur expérience? Ouais, j'ai parlé un petit peu avec. Comment ça se passe quand on rencontre des artistes qui sont bien installés dans le milieu? Est-ce que ça met un petit coup de stress? Est-ce qu'on prend des conseils? Comment on fait? Un petit peu de stress. Hein. J'ai stressé pour leur demander de dédicacer leur dernier album. Ouais. Mais bon, ça s'est bien passé. Ils étaient gentils et puis... Après, voilà, c'est une personne comme une autre. Ah bah, tout va, à fait. On c'est vrai. Bien parler, ils sont super. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes comme les autres, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils avaient un petit peu écouté ce que vous faisiez, toi et Toulikal, parce que tu étais avec Toulikal, il me semble. Bah, ils ont écouté, parce qu'en fait, ils ont mangé à côté de nous. Donc, ils avaient regardé un petit peu ce qu'on faisait. Ils avaient regardé karaté, je m'en souviens. Ouais. Un petit peu, ouais. T'as eu des retours? Non, ils m'ont pas. Bah, ils m'ont rien dit sur mes musiques, mais. Ouais. Zoxy, il m'a suivi sur Instagram et puis Mello Fellow aussi. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça va. C'est gentil de leur part. C'est approuvé. Est-ce que, voilà, je parlais un petit peu de Toulikal, des studios Airplay, est-ce que tu fais parfois des feats avec certains J'en ai fait un avec Clems, ouais. sur son EP. Ouais. Pour l'album, je sais pas, je suis en train de réfléchir si je vais en faire ou pas. Sinon, ce sera pour la prochaine de toute façon. Ah oui, ils sont pas loin, donc on peut toujours les contacter. Ce n'est que le début. Exactement. Et cet album, est-ce que tu sais de combien de titres il sera composé? Je pense 12 ou 14. Ouais. Voilà, je sais pas encore. Faudra voir en fonction des musiques que j'ai envie de mettre dessus. Est-ce que tu as déjà des idées, déjà des textes qui sont écrits? Ouais, on a déjà enregistré 6 ou 7 musiques au studio, bon, qui ne sont pas terminées. Ouais. Elles ne sont pas mixées, pas masterisées, on les a fait en gros, ouais. Pour que Dorian puisse un petit peu bosser sur les instrus en attendant. D'accord. Et j'en ai réécrit 4 ou 5 chez moi que je n'ai encore pas posé au studio. D'accord, ok. Voilà, donc ça s'achève quand même tout doucement. Ah oui, ça avance bien. Ça va. Alors quand on enregistre un son, comment ça se passe? Il y a des étapes? Enfin voilà, j'imagine qu'on se place pas... C'est un peu à l'artiste de décider en fait avec Dorian, voilà l'ingé son du coup. Ouais. Là on n'a pas vraiment de plan pour les musiques exactement. Voilà. Alors toi t'écris sur des sons ou alors t'écris déjà et après on te propose des sons? Non, je cherche des instrus sur YouTube déjà au départ. D'accord. J'écris mon son dessus. Après je fais écouter l'instrumental à Dorian et puis, bah, du coup on reprend la base et on refait toute la structure de l'instrument. Ouais, pour que ce soit unique rien que pour ton son. Voilà. Ça t'aide de trouver déjà approximativement un son qui te plaît sur internet et du coup t'arrives mieux à poser des écrits, des textes dessus? Ouais, dès que j'ai un son qui me plaît, j'arrive à l'écrire en si je suis bien lancé en une journée, ah ouais, quand l'instrument me plaît vraiment, c'est, d'accord, c'est facile. Alors qu'est-ce qui te plaît justement dans une instru, dis-nous tout. C'est quoi le petit truc en plus qui te fait avoir l'inspiration? Ça dépend. Ah d'accord, c'est selon l'humeur. Ouais, c'est, ça dépend. Des fois, il y a une instru que j'aurais pas forcément aimé la... le jour d'avant, et le jour d'après, je vais être « Ah si, en fait, elle est mortelle ». Ouais. Voilà, ça dépend de, ouais, de mon humeur et puis sur quoi, sur quel genre d'instru j'ai envie de rapper aussi. Ok. Voilà. Il y a plutôt des sons qui bougent dans ton EP? On peut dire bah, pour la famille qui bouge pas mal. Ouais. Karaté. Ouais. Lovelo aussi, ça va. Ouais. Tu nous connais là un petit peu plus calme, à part le petit moment dubstep qu'on a mis dedans. D'accord. Et on les a mis mal, c'est plus un son trap. D'accord, ok. Voilà, donc ça bouge un peu moins, mais... Okay. Dans l'ensemble, ça bouge quand même. Est-ce que sur ton album, il y aura un petit peu de tout, justement, un petit peu de son qui bouge, un petit peu de, voilà, de choses posées? Ouais. Il y aura un mélange? Ouais, je vais essayer de mettre un petit peu tout. Et bon, on verra bien pour la structure, ah, comment ouais, ça va se passer. Ben oui, bien sûr, ça va bien se passer de toute façon. On espère. Bon, pour le moment, c'est bien parti, donc ça va. Tout à fait. Alors, si tu veux bien, eh ben, on va tout de suite s'écouter un deuxième son. Hein. J'imagine que c'est le son phare un petit peu de cet album pour la famille, parce qu'il eh ben, porte son nom. Voilà, comment tu as écrit ce titre? Bah ça, du coup, j'ai trouvé un truc qui me plaisait vraiment. Ouais. Ce titre-là, j'ai écrit en un jour aussi. D'accord. Voilà, et puis bah, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Je raconte un petit peu mon vécu dedans. Ouais. Voilà, c'est un son assez pop-rap, on va dire. D'accord. Voilà. Ça s'adresse à qui? Bon, un peu à tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde, en fait. Global. Ok. Bah, on écoute ça tout de suite et puis on se retrouve juste après, bien entendu. J'ai compté les années, trop souvent j'ai dallé. Rappeur à 20 balais, critiquer les jaloux s'y prépare. Partager les sons, ces cailloux dans les bacs. J'ai vécu les connus, le trépas gratté. La main noire est traquée, mon cœur est un cratère. Je veux la mer et quitter cet état. Galérer, la jack est vide au fond du sac. La famille, les amis ne se paient pas. J'ai gardé les vrais, tous mes frères ici sont braves. Car ils vivent, on arrive en claquant les 100 balles. Premier repas, c'est là que je renais de mes cendres. Cracher dans les dos, je les gagnerai tous vos semblables. Levez-les vos mains, je les ai vus, les têtes ici s'emballent. Rouler, rouler, rouler. J'ai gratté pour la poser la famille, j'pétale. Tous ceux qui m'ont lâché, beaucoup d'amis se détachent. Je ne l'ai jamais connu, la famille détale. Avant que la clip te mette aux lignes, j'détale. Droite, gauche, crochet dans les bodies. Sur qui cracher t'aura beau dire. J'roule un gros joint de zep. Ni tu l'as vu qui s'y bat trop dealé, j'ai gratté pour la poser la famille, j'pétale. Tous ceux qui m'ont lâché, beaucoup d'amis se détachent. Je ne l'ai jamais connu, la famille détale. Avant que la clip te mette aux lignes, j'détale. Droite, gauche, crochet dans les bodies. Sur qui cracher t'aura beau dire. J'roule un gros joint de zep. Ni tu l'as vu qui s'y bat trop dealé, trop dealé. J'ai compté les années, trop souvent j'ai dallé. Rappeur à 20 balais. Critiquer les jaloux s'y prépare. Partager les sons, ces cailloux dans les bacs. J'ai vécu les connus, le trépas gratté. La main noire est traquée, mon cœur est un cratère. Je veux la mer et quitter cet état. Galérer, la jack est vide au fond du sac. La famille, les amis ne se paient pas. Parler de ce qui fait mal ici, mon gars fallait. Toutes les personnes en qui j'ai cru m'ont rafalé. Mon refait décédé, ça fait mal. Je fais le rigolo, mais dans le fond, bien j'en ai pas l'air. Qu'on oublie, c'est pour ça qu'on l'avait, mes fulls illégales. Rouler, rouler, rouler. J'ai gratté pour la poser la famille, j'pétale. Tous ceux qui m'ont lâché, beaucoup d'amis se détachent. Je ne l'ai jamais connu, la famille détale. Avant que la clip te mette aux lignes, j'détale. Droite, gauche, crochet dans les bodies. Sur qui cracher t'aura beau dire. J'roule un gros joint de zep. Vini, tu l'as vu qui s'y bat trop dealé. J'ai gratté pour la poser la famille, j'pétale. Tous ceux qui m'ont lâché, beaucoup d'amis se détachent. Je ne l'ai jamais connu, la famille détale. Avant que la clipe te mette aux lignes, j'détale. Droite, gauche, crochet dans les bodies. Sur qui cracher t'aura beau dire. J'roule un gros joint de zep. Vini, tu l'as vu qui s'y bat trop dealé, trop dealé. J'ai compté les années, trop souvent j'ai dallé. Rappeur à 20 balais. Soit tu m'aimes, soit tu me décales. Mon cœur est un cratère, dis-leur combien j'en ai fait ce qui déballe. La main noire est traquée, décidé j'en finis des bails. Ici mon gars fallait tirer les rafales bien avant mon départ. T'es pour la poser la famille, j'pétain. Tous ceux qui m'ont lâché, beaucoup d'amis se détachent. Je ne l'ai jamais connu, la famine détale. Avant que la clipée te mette aux lignes, j'détaille. Droite, gauche, crochet dans les bodies. Sur qui cracher, t'auras beau dire. J'roule un gros joint de zep. Tu l'as vu qui s'y bat trop, dis-le trop, dis-le, j'ai gratté pour la poser la famille. Et voilà pour le titre pour la famille, tout droit sorti de cette EP Yougo que tu viens nous présenter aujourd'hui et qui porte exactement le même nom. Alors est-ce que cette EP on peut le trouver en physique quelque part si on a envie de l'écouter en boucle? C'est gentil. Moi, on peut le trouver donc soit en passant par moi par les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook. D'accord. Par exemple. Ou au studio Airplay de Remiremont aussi. Ok, d'accord. Ouais. Et si jamais on veut écouter tous tes titres, est-ce que c'est disponible sur certaines plateformes par exemple? Ouais, c'est disponible sur toutes les plateformes. Depuis, d'accord. Ça fait pas trop longtemps, ça doit faire, je dirais un mois et demi. Alors où ça? Donc iTunes, Amazon, Deezer, Spotify. La totale. Voilà. Voilà. Partout, plus d'excuses pour ne pas écouter le premier EP de Yougo pour la famille. Alors pour la famille justement, c'est donc le titre que l'on vient d'écouter. Pour celui-là, tu as donc tourné un deuxième clip. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé aussi. Ouais. Toujours avec Nuit Blanche. Ok. Voilà, et ils nous ont trouvé des bons spots pour le clip. D'accord. Voilà, donc c'était gentil à eux. Ouais. Et ouais, franchement, j'étais content du résultat. Ça t'a pris, ça vous a pris combien de temps avec toute l'équipe pour... On l'a tourné en 2 jours, celui-là. D'accord. Donc ça nous a pris une après-midi complète. Et le deuxième jour où on l'a clippé, je crois bien qu'on avait commencé l'après-midi aussi, me semble. Voilà, donc 2 après-midi en tout. Ça se met en place comment pour tourner un clip? Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'on tourne le clip dans l'ordre de la chanson, du titre? Ou alors est-ce qu'on voilà, filme certains moments, pas forcément dans l'ordre? Nous, on est curieux de savoir, on ne sait pas l'envers du décor. En fait, je vais sur différents spots. Ouais. Et sur chaque spot, je fais la musique 4-5 fois, on va dire. D'accord. Complète. Et après, ah, c'est Nuit Blanche qui s'occupe de tout ce qui est montage. D'accord. Voilà, est-ce donc que... je leur fais confiance et pour le moment, ils m'ont fait 2 beaux clips. Eh ben super. Voilà. Est-ce que voilà, tu as un petit peu ton avis à donner quant au rendu? Si oui ou non, ça te plaît ou pas? Ou est-ce que vraiment, non, tu leur laisses carte blanche? Je leur laisse carte blanche et ils me l'envoient un petit peu avant que je leur dise s'il y a des fois 2-3 scènes qui ne me plaisent pas. Ouais. Mais pour le moment... tout va bien. Voilà, tout s'est bien passé. J'ai rien eu à refaire, donc ça va. Bah super. Alors tu parles de différents spots, t'as tourné ça où, si on peut savoir? Alors on a tourné aux gorges de Tiefos. Ouais. Et au Grand Ballon. D'accord, ok. Donc on voit bien un petit peu nos belles Vosges. Voilà, ça, c'était important pour toi, un petit peu qu'on voie voilà, d'où tu viens? Moi, pas vraiment, mais chez nous, on a quand même de beaux endroits. C'est vrai. Donc voilà, ce serait dommage de ne pas y aller. Eh bah, carrément. Ça sert à rien de partir loin pour, c'est vrai. Tout à pour fait. Tourner si on a des beaux spots ici. Ah bah, carrément. Voilà. Alors, rappelle-nous d'où tu viens? Moi, de Saint-Maurice. D'accord, ok. Ça, voilà, ça fait, ça petit fait... village. Petit village perdu au fin fond des Vosges. Voilà, mais moi je suis tranquille, je peux écrire tranquillement. Bah, carrément. Alors justement, si on parlait un petit peu, si tu veux bien, de ta famille, est-ce que déjà ils mm-hmm. savent que tu fais du rap? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, faut savoir que dans ma famille, il n'y en a pas beaucoup qui écoutent vraiment du rap. Ouais. Mais bon, vu que là, ce que j'ai sorti jusqu'à présent, c'est pas vraiment rap, c'est plus rap mélangé à de la pop. D'accord. Donc voilà, ça plaît quand même si ils n'écoutent pas ça d'habitude. C'est pas du rap agressif, tu veux dire? Du voilà. coup, ça passe un petit peu mieux. Ouais, rap pop, c'est un petit peu pour tous les âges, en fait. Est-ce qu'avant d'enregistrer, de rencontrer Airplay, ils savaient déjà que tu écrivais des textes et que tu rappais? Ta famille. Ça, je sais plus, par contre. Tu sais pas si ta famille savait déjà ou pas? Je pense qu'ils se doutaient, je mettais un petit peu sur YouTube. Mais voilà, on n'en parlait pas... D'accord, t'as pas rappé pour eux en exclu un jour non, pour pas. Leur montrer ce que tu savais faire même ils pas. Ont eu la surprise. C'est ça. Ok, et du coup ils en pensent quoi un petit peu de ton travail? Est-ce que t'as des retours? Tous les retours que j'ai eu quasiment que du positif pour l'instant. Ah bah c'est super. Donc, ça. Voilà. Ok. Moi ça me fait plaisir. Et tes amis, tout ça, ils étaient au courant eux j'imagine? Ouais, que ils savaient. Et alors du coup ils en pensent quoi de ce que tu fais aujourd'hui? Ah bah ils aiment bien. D'accord. Ils sont contents pour moi. Les premiers fans. Gentil. Voilà, exactement. Alors, donc tu disais, voilà, dans ta famille, on n'écoutait pas spécialement du rap. Est-ce que, quand même, il y avait une espèce de petite fibre artistique au sein de ta famille ou alors vraiment, tu es autodidacte, tu t'es lancé comme ça et, bouf, sorti de nulle part, hop, tu deviens un artiste? Ben, j'ai un peu de famille qui fait de la musique. Ouais. J'ai des cousins qui font de la guitare, j'ai voilà, des cousins qui font un peu de synthé. Ouais. Voilà, donc je sais pas si c'est les gènes, mais bon. Voilà, en général, on aime tous quand même la musique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bah voilà, c'est, on est ravis que tu viennes nous parler aujourd'hui eh bien, de cette EP que tu viens de sortir. Alors, en préparation, eh bien, un futur album, on a hâte d'écouter ça. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sortira? Non, je ne sais pas du tout. Ah, c'est la surprise. On se tiendra informé pour en savoir plus. Puis j'imagine bah, qu'il y a encore un petit peu de travail, ouais, même si apparemment, tu as quand même déjà bien avancé. Je pense fin d'année prochaine, il sera déjà bien abouti, mais je ne sais pas s'il sortira fin d'année prochaine quand même. Ok. Voilà, mais on ne sera pas loin, je pense. Bah, c'est super. Dans quoi tu trouves ton inspiration pour écrire des textes? Alors, on a parlé voilà, des sons que voilà, tu trouves pour t'inspirer un petit peu, mais est-ce qu'il y a des faits, des événements, des choses qui t'inspirent pour écrire? Ouais, quand même, pas mal. Comme quoi? Comme bah, j'ai commencé à écrire en fait parce qu'il y a un de mes amis quand j'étais au collège qui s'est tué en moto. Ah oh, d'accord. Donc voilà, j'avais besoin d'évacuer, ouais. Et du coup la musique ça m'a aidé. Ouais. Et puis depuis bah, j'y ai pris goût en fait. D'accord. Donc je continue et voilà, ça me plaît. Ouais, c'est un petit peu une soupape de décompression, voilà, ouais, tu balances tout ce que tu penses et exactement, ce qu'on dirait pas à une personne, on peut le dire en musique par exemple. C'est vrai. Voilà, pour évacuer un peu, c'est bien. C'est bien. Quand on te regarde, Hugo, on n'imagine pas forcément que tu fais du rap, que tu, voilà, que tu fais ce rap-là, parce que tu as une voix en plus très profonde quand tu rappes, moi je trouve, en tout cas, ben, quand tu parles aussi. Mais quand tu rappes, ça donne une autre intensité. Est-ce qu'entre Hugo et toi, en tant qu'individu propre, il y a deux personnes différentes? Est-ce que quand tu rappes, tu deviens un petit peu quelqu'un d'autre? Oh non, pas du tout. C'est vrai, tu restes toujours pareil, toujours aussi stressé quand je rappe que quand je parle. C'est vrai. Non, ça va. Ça va, mais non, j'essaye de rester moi, en fait. Ouais. Quand tu montes sur scène, par exemple, est-ce que voilà, tu mets un petit peu la casquette de Hugo ou alors vraiment tu restes tel quel, tu vis les choses en tant que toi? Voilà. C'est vrai. Exactement ça. Ouais. D'accord. Parce que souvent, certains artistes. J'essaie de pas changer. D'accord. Pour toi, t'es authentique, tu restes toujours le même et c'est très bien comme ça. Voilà. Okay. Ça me plaît comme ça, donc c'est bien. Eh ben, t'as bien raison. Est-ce que il y aura un fil rouge dans ton futur album, quelque chose, voilà, qui reviendra souvent, un thème qui reviendra souvent? Là, on voit que ton EP qui se nomme Pour la famille, voilà, il a pas été choisi au hasard, ce titre, j'imagine. Est-ce que dans ton album, il y aura des thèmes un petit peu récurrents, des choses dont tu parleras plus que d'autres? C'est compliqué encore, hein, c'est, de savoir. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais. Je sais pas, je pense que je vais essayer de me rapprocher quand même de l'EP, ouais. Pour la famille, que ça reste un peu dans les mêmes thèmes, ouais. Dans les mêmes tons. Ouais. Et voilà, on verra bien où ça mène. Eh oui. Ça mène quand l'album sera fini. Ça prend longtemps d'écrire et de mettre en place un album? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la vitesse à laquelle on écrit nos textes. Ouais. Ça dépend des instrus qu'on arrive à trouver ou non. Ouais. Est-ce que voilà, t'as un petit calepin toujours avec toi où tu grattes des textes de temps en temps et après t'y reviens, ou voilà, quand tu écris, il faut vraiment que tu te poses et que tu écrives tout d'un coup? Voilà, il y a plusieurs. Non, j'ai plein de bouts de textes qui n'ont jamais été finis. Mais je les garde quand même de côté, ça pourrait toujours servir, on ne sait jamais. Faire un petit mélange de tous les bouts de textes, ça pourrait être marrant. Ouais, voilà, pourquoi pas. Un petit best-of des textes de Hugo, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? Bah, carrément. Bah, voilà. Alors. Et si on passait un troisième son, parce qu'on a la chance, en plus moi j'ai encore plus de chance, c'est que tu m'as offert ton EP, et merci à toi pour ça, du coup je peux faire profiter nos auditeurs eh bien, de cette musique que tu nous proposes aujourd'hui. On s'écoute un troisième son, ça te dit? Ouais, pas de souci. Alors c'est le son Lovelo. Ok. De quoi il parle? Lovelo, c'est un son un peu à l'américaine. Ouais. Voilà, et donc c'est le tout premier son que j'ai écrit pour l'EP justement. D'accord. Et il parle de... Bah, un petit peu comme pour la famille en fait. Ouais. Ouais, je suis resté un petit peu dans le même thème pour le vélo. D'accord. Il y a juste... On les a mis mal, qui est un petit peu... différent. Un petit peu différent. Qui donne, sinon, je reste un petit peu toujours dans le thème de la famille. D'accord. Les amis, un peu et tout. Ouais, voilà. La bulle de Hugo, quoi. Exactement, voilà. C'est ça. Alors, on écoute ça tout de suite, si tu veux bien. Et puis, on se retrouve juste après. Hein. Pas de souci. C'est mal à saut, tu m'as vu dans les bacs, un premier EP qui vous a montré qu'avant ça je n'étais personne. J'ai connu les coups, l'ami fait coup d'effet, une oula pour la clip et qui sera là même si tu la joues perso. La famille nous garde et j'ai taffé les sons qui mûrissent. Celui qui nous lâche, celui qui paiera du berceau. J'en ai vu nous cracher dans les dos, mais ça l'en vrai c'est ce qui m'a poussé. Je n'ai qu'une chose à dire et vous dis merci. Je veux le vélo dans la poquette. Célibataire aime la vie pas terrible. J'ai connu femme élégante et coquette. Décoller ne voudrait jamais ratterrir. Gros c'est la famille qui nous a poussés. Solo sans mes cailloux, j'aurais lâché prise. Peser la talame ainsi ça tousse. J'ai bossé de l'étiner des passés pris. J'ai gratté ça aussi dans la douceur. Tu croyais qu'on allait s'arrêter là. J'ai galéré dur, n'ai pas lâché l'affaire et t'as fait. J'perds à les sons tout comme a cappella. Bien équipé j'assume, c'est la Talianifa qui m'a fait. Dis-moi combien d'entre vous mon là. J'ai vesqui les balles, cicatrisé était mal état fait. Et d'aller couler j'cale sinon j'ai marre. Couler les faits cailloux, parler j'vous répondrai peut-être après. Tu m'as vu dans les packs, un premier EP qui vous a montré qu'avant ça je n'étais personne. J'ai connu les coups, l'ami fait coûter, fait une oula pour la kipper qui sera là même si tu la joues perso. La famille nous garde et j'ai taffé les sons qui mûrissent. Celui qui nous lâche, celui qui paiera du berceau. J'en ai vu nous cracher dans les dos mais ça l'en vrai c'est ce qui m'a poussé. J'n'ai qu'une chose à dire et vous dis merci. Je vais les faire dans ces dealers. J'ai navigué entre peine et douleur. Je te l'ai dit, j'ai perdu mon frère. Comme j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Je vais les faire dans ces dealers. Je fais mélanco sale, t'as fait killer. J'ai gratté pour tous ceux qui nous suivaient. Même si je veux le vélo dans la poquette. Célibataire aime la vie pas terrible. J'ai connu femme élégante et coquette. Décoller ne voudrait jamais ratterrir. Gros c'est la famille qui nous a poussé. Solo sans mes cailloux, j'aurais lâché prise. Peser la talame ainsi ça tousse. J'ai bossé de l'étiler des passés pris. J'ai gratté ça aussi dans la douceur. Vini voyez ce que donne un de check fire. Bougez les vos têtes qui nous ramènent ici ce n'est que ça. Âme j'posais lourd, le pen vous dira pas big bye. Vrai que j'ai fumé noir, j'm'étonnais d'avoir les becs ça. Âme j'ai mes refs, pourquoi tu voudrais que j'en prenne. D'ailleurs nous connaissez-vous, double feuillet premier exa. Emballez les tous, poteau je ne voudrais pas te voir d'ailleurs. Passez-nous la taille qu'on voit ce que nous fait le Fedja. Je m'as vu dans l'Ibac, un premier EP qui vous a montré qu'avant ça je n'étais personne. J'ai connu les coups, l'ami fait coûter, fait une oula pour la kipper qui sera là même si tu la joues perso. La famille nous garde et j'ai taffé les sons qui mûrissent. Celui qui nous lâche, celui qui paiera du berceau. J'en ai vu nous cracher dans les dos, mais ça l'en vrai c'est ce qui m'a poussé. Je n'ai qu'une chose à dire et vous dis merci. Je veux le vélo dans la poquette. Célibataire aime la vie pas terrible. J'ai connu femme élégante et coquette. J'ai décollé, ne voudrais jamais ratterrir. Gros c'est la famille qui nous a poussé. Solo sans mes cailloux, j'aurais lâché prise. Peser la talame ainsi ça tousse. J'ai bossé de l'étiler des passés pris. J'ai gratté ça le si dans la douceur. Le vélo tout droit sorti du premier EP de Hugo pour la famille que vous pourrez retrouver comme il vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, soit en physique en passant par Airplay ou par toi Hugo directement ou bien, eh bien en écoute sur toutes les plateformes que tu nous as citées tout à l'heure. Moi ce son là je l'adore. C'est vrai. Ah oui, franchement, il sonne super bien, ça réveille. T'as bien raison, c'est bien dans le thème. Je pense que tu fais du bon son de toute façon en général, mais celui-là, il met la patate. Qui c'est qui fait les hey C'est Mustapha. Ah, je m'en doutais. Alors un big up pour Mustapha. Un big up pour Mustapha et puis pour toute l'équipe de Airplay et puis pour toi, Hugo, avec tout le travail que tu nous présentes aujourd'hui. Il me semble que je l'avais vu, ce son, il me semble que je l'ai entendu quand tu t'es fait filmer justement dans la première partie des Sages Poètes de la Rue. Tu l'avais présenté ce son? Ouais, je l'avais fait. Ouais. Je crois que j'en avais fait, je sais plus si j'avais fait les 5, il me semble que j'en avais fait 4. Ouais. Et celui-là, il m'avait percuté. Je pense que voilà, il doit bien réveiller. Ça met bien la patate, en tout cas. Ouais, celui-là, j'aime bien le faire en concert. Ouais. Et puis je pense que ça doit mettre l'ambiance. Le public doit bien répondre au moment où des haies. Et voilà, ça doit être génial. Ouais, voilà. Ça fait un petit peu jouer le public aussi. C'est bien. Ça, c'est ça. Ça fait une interaction avec le public. Et ça, bah, j'imagine quand même que c'est important, hein, d'avoir un petit peu un retour avec son public quand tu es sur scène. Ouais. Tu fais pas que d'interpréter tes titres. Tu fais aussi un échange avec le public. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des événements sur lesquels on va te retrouver bientôt? Est-ce qu'il y a des scènes que tu vas bientôt faire? Ou alors c'est pas prévu encore pour le moment? Tu te consacres un petit peu à l'album, à ton travail et puis... Pour le moment, rien de prévu. Ouais. Mais bon, Mousse, il m'a dit que normalement, l'année prochaine, on aurait des dates de concert. D'accord. De nouveau. Voilà. Donc ouais, pour le moment, je bosse l'album. Eh ben oui, c'est du travail déjà. Hein. Voilà. C'est du travail. C'est déjà pas trop mal. Est-ce que ça se travaille la voix, le rythme quand tu fais de la musique? Bah, pour moi, non. Je pense pour peut-être d'autres personnes, ça doit peut-être se travailler. Ouais. Mais non, moi, j'en ai pas eu besoin. D'accord. Vu que voilà, je fais de la guitare aussi chez moi, donc j'ai toujours fait un petit peu de musique. D'accord. Et j'ai toujours réussi à avoir à peu près la voix juste. Quoi. Ouais, la voix juste, voilà. et le rythme, surtout le tempo, quoi. Parce que quand on fait du rap, faut pas se louper, quoi. On fait pas sa phrase à côté, quoi. C'est ça, surtout sur scène. Bah oui, carrément. Donc du coup, toi, c'est un peu inné, t'as pas eu besoin de prendre de cours, d'apprendre, hop, tu... Non, même pas. Et bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, ça a été vite, ça va. Et bah carrément, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Ouais, bah La Fouine, comme d'habitude, voilà. Ouais, toujours, et bah c'est celui que j'écoute le plus, c'est mon artiste favori. Ouais. Et sinon, j'écoute un peu tous les autres artistes aussi. D'accord. Voilà, j'en écoute vraiment plein qui font des styles différents. Donc voilà, j'essaye de choper un petit peu partout et puis de faire mon propre son. C'est important ça quand tu fais de la musique, de pouvoir aussi écouter ce que les autres font et puis de se dire « Ah, ça c'est pas mal, si je pouvais retravailler ça un petit peu, ça pourrait être cool, tu t'inspires un petit peu ?» Un petit peu bah, de ce qui fait plaisir pardon ce qui fait plaisir aux gens à l'heure actuelle. Ouais. Par exemple, quand PNL ils ont vraiment bien percé, on peut voir il y a plein d'autres artistes qui faisaient à peu près le même genre de son, qui étaient bien trap. C'est vrai. Voilà, donc après c'est tendance actuelle, hein, de toute façon. Tendance actuelle. Voilà, faut... Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent qui sont pas forcément tendance, mais voilà, où tu te dis, ça serait bien que peut-être moi, dans ma façon de faire, j'essaye de travailler ça. Non, moi je sais que j'aime bien toutes les instrus à la guitare. Ouais. Voilà, donc dans l'album il y en aura, on a déjà commencé à en faire avec Dorian. D'accord. Bah, sinon c'est ce que j'aime le plus. Après, même si c'est pas dans la tendance actuelle, si jamais, je sais que c'est des sons que je ferai toujours. Est-ce que c'est toi qui vas gratter à la guitare? Ouais, il y a deux sons que j'ai fait à la guitare. D'accord. Et Dorian qui fait le reste, hein, de toute façon. D'accord. C'est un professionnel. Ah bah oui, comme toute l'équipe de Airplay, de toute façon. Comme ça, on peut sortir des belles choses comme cette EP pour la famille qu'on présente aujourd'hui. Et moi, je suis ravie de présenter ça avec toi. C'est gentil, ça me fait plaisir d'être là. C'est sincère. Alors... on arrive presque au bout de notre émission, c'est passé à toute vitesse. Moi, je te remercie encore beaucoup d'être venu. En plus, t'es venu directement en sortant du travail. Hop, pas de pause. Mais c'est pas grave, je vais me reposer cet après-midi. Mais t'as investi et ça fait plaisir. Hein. Est-ce que tu penses que n'importe quel jeune qui a envie de faire la musique peut le faire? Est-ce que tu aurais des conseils à donner peut-être à des jeunes qui ont envie de faire du rap ou autre chose et qui ont peur de se lancer? Bah, moi, je pense que tout le monde peut le faire. Ouais. Il suffit juste d'aimer la musique. Ouais. Et après, pour ce qui est des textes, bah voilà, moi je rappe depuis mes 14 ans. Donc, des fois, je relis mes anciens textes. Je me dis heureusement que je n'ai pas sorti le son là parce qu'il était vraiment bien pourri. Mais sinon, après, c'est à force de travailler aussi qu'on arrive à faire des sons à peu près, enfin qui vont plaire à peu près à un public. Quoi. Travail, persévérance, c'est quoi les qualités d'un artiste? Bah, c'est jamais lâcher, hein, de toute façon. Ça, c'est important. Voilà, toujours écrire. Il y a des jours où on n'a pas beaucoup d'inspi, donc des fois, même pendant des semaines, on n'arrive plus à écrire, donc des fois, je lâche un peu quand même. Ouais. Voilà, je me repose un petit peu tranquillement, et puis après, j'essaye de reprendre, et dès que je retrouve une instru qui va me plaire, et bah, ça repart. Ok. Voilà, donc... T'es pas trop stressé quand t'arrives plus à écrire? On appelle ça un peu le syndrome de la feuille blanche. Ouais, des fois, si, quand même. Ouais. Tu te dis, est-ce que ça va revenir ou non? Bah, j'espère, je croise les doigts. Ça, il faut garder confiance en soi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, quand on est bien entouré, bah, ça roule, quoi. Mais voilà. Et ben voilà. Après, ça va tout seul. Bah, voilà. Alors, on écoute un quatrième titre. Donc, celui-là, tu as dit qu'il voilà, il sortait un petit peu du lot. Voilà, il n'était pas vraiment sur la même couleur que les autres. On va dire ça comme ça. On les a mis mal. Voilà. Ça parle de quoi? C'est une chanson trap. C'est plus de l'ego trip en fait. J'ai pas vraiment essayé d'écrire une histoire avec le son là. Ouais. C'est vraiment trap et c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier de l'EP vu que là c'était pas les mêmes couleurs que les quatre autres. D'accord. Voilà pour bien boucler. Ouais. Et puis pour annoncer bah, autre chose parce qu'il y aura un mélange de tout ça dans ton album. Ouais. On n'en sait pas plus mais on attendra ça avec grande impatience. Mais on te laisse quand même le temps au temps. Hein. On te laisse travailler tranquillement et bah, on écoute ça tout de suite. On les a mis mal et puis on se retrouve bah, juste après pour la dernière partie de notre émission. Lequel d'entre eux aurait voulu me voir mordre? J'avance et l'accomplirai mon devoir, moi. Si j'ai fermé les yeux, c'est que le monde est noir et qu'on aurait voulu voir moins. Qui sera là si le pécoule ou si Gaillou part? Qui m'aimait vraiment? Qui me défendra si tous ces putains de jaloux parlent? Je roule un gros buzz d'année, la question c'est finirai-je pas ou pas? C'est les sons qu'on ne voulait pas louper, grimper la côte en esquivant chacal ou pas. Ceux qui nous ont gainés, on les a mis mal. Je veux pas leur faire qu'il est, non, non. Je veux pas leur faire qu'il est. Galérer, saga, j'ai connu qui d'entre vous sera là. Si jamais ça cogne, on les baisse. On a vécu ça, l'on nous empale. J'ai lâché les groupes, ils ont trouvé la bonne sphère. Tous ceux qui nous ont gainés, on les a mis mal. Je veux pas leur faire qu'il est. Galère et saga, j'ai connu qui d'entre vous sera là. Si jamais ça cogne, on les blesse. On a vécu ça, l'on nous empale. J'ai lâché les groupes, ils ont trouvé la bonne sphère. J'aurais dû lâcher mon passé, ne penser qu'au présent. La machine est lancée, les projets nous présentent. Le cœur est noir et la famille nous pèse. On a taffé grado, si l'état nous le pèse. On gros pour tous les blèmes, ici bas je réponds présent. J'm'emballais que balais, que balais, que balais. J'foque le monde, foque tout. Combien d'entre eux sont là pour nous rafaler? J'ai pris la plume et trop souvent j'ai qu'à les gars. Toutes les putes m'avaient mis à l'écart. On veut la mer, on voit gonfler nos salaires. Tous ceux qui nous ont gainés, on les a mis mal. J'veux pas leur faire qu'il est, non, non. J'veux pas leur faire qu'il est. Galère et saga, j'ai connu qui d'entre vous sera là. Si jamais ça cogne, on les blesse. On a vécu ça, l'on nous empale. J'ai lâché les groupes, ils ont trouvé la bonne sphère. Tous ceux qui nous ont gainés, on les a mis mal. J'veux pas leur faire qu'il est, non, non. J'veux pas leur faire qu'il est. Galère et saga, j'ai connu qui d'entre vous sera là. Si jamais ça cogne, on les blesse. On a vécu ça, l'on nous empale. J'ai lâché les groupes, ils ont trouvé la bonne sphère. J'ai voulu la poser, la mi faut pas aller. J'en entends les barres dans les tours, et je leur pardonne et tout. Je ne crois pas combien de voulaient m'empaler. Je parle, j'ai connu les galères en galant, je les caillais tous. J'ai visé la moule, non les fusils, je vais pas né tout rendre gars, ça n'en vaut pas la peine. Combien j'en ramasse à l'appel? Les types m'en font de la peine, on veut mailler sale. Comment se finira mon histoire de la bête et la belle? Ah ouais, ouais. Je vois que les erreurs du passé m'appellent. Je veux que le peur soit la base de ma paye, on vous daillait. J'ai voulu la poser, la mi faut pas aller. J'en entends les parts dans les taufs et je leur pardonne et tout. Je ne crois pas combien de voulaient m'empaler. Je parle, j'ai connu les galères en calant, je les caillais tous. J'ai visé la moule, mon effusie, je vais pas né tout rendre ronga, ça n'en vaut pas la peine. Combien j'en ramasse à l'appel, les types m'en font de la peine, on veut mailler sale. Comment se finira mon histoire de la bête et la pelle? Ah ouais, ouais. Je vois que les erreurs du passé m'appellent. Je veux que le peur soit la base de ma paye, on vous taille. On les a mis mal, dernier morceau de l'EP de Hugo, notre invité d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher ces sons, ça se passe sur YouTube, ça se passe sur les plateformes que tu nous as nommées tout à l'heure, iTunes, Spotify, Deezer, etc. etc. Tout. Et surtout, eh bien, on peut te suivre via ta page Facebook, Hugo, Yugow. De toute façon, on remettra en lien avec le podcast de cette émission, eh bien, ta page Facebook. Tu as d'autres endroits sur le net où on peut te retrouver, ta page YouTube. YouTube, c'est Hugo aussi, comme la page Facebook. Okay. J'ai Instagram, c'est Hugo1. D'accord. Et Snapchat, Hugo.sm. Et bah voilà, on ne peut pas te manquer, quoi. Voilà, je suis un peu partout. Hein. On est jeunes. Ah bah oui, carrément, il faut être branché. Je vois sur ta page Facebook que tu tentes ta chance pour pouvoir faire la première partie de Maître Gims. Voilà. Alors, comment ça se passe, ça? Est-ce qu'on peut te soutenir? Qui c'est qui décide? Ça se passe sur Rifix. Ouais. C'est un site, je crois, avec le Crédit Mutuel, en fait. Ouais. Et du coup, il fallait poster 3 sons. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, et puis après, c'est aux gens d'aller voter, quoi. D'accord. Donc, si on veut te soutenir, on peut se mettre, aller sur cette page et voter pour toi. Ouais, voilà. Eh ben, n'hésitez pas. Alors, surtout, donnez votre soutien à Hugo. Franchement, tu le mérites. Merci. T'es un bon artiste, tu fais du bon son. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis, ça s'entend qu'il y a quand même quelque chose derrière. T'as une bonne équipe en plus qui t'entoure. Et ça, c'est super. Ouais, super équipe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des projets? Alors, l'album, ça c'est un gros projet. Est-ce que tu as déjà d'autres choses en tête ou pas encore? Je pense clipper On les a mis mal, chanson qu'on vient d'entendre. D'accord. Voilà pour le troisième clip, des sons qui font partie de l'EP. Ouais. Après, voilà pour l'EP, je pense que j'arrêterai les clips et je me consacrerai justement sur l'album. D'accord. Et voilà, on va choisir aussi quel titre de l'album on va clipper. Ah. Essayer de voir ça. D'accord. Tu as déjà une idée? Ouais, pour 2-3 sons, je sais déjà que je vais les clipper tout sûr. Ouais. Voilà, puis après les autres, on verra plus tard. D'accord. Ah ben, en tout cas, on te souhaite une très très longue et bonne route sur le chemin de la musique et du rap. Et puis moi, je te remercie encore beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Merci à tous d'avoir écouté, c'est gentil. Ouais. Et merci à tous ceux qui me suivent, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, ça c'est important, moi je trouve que t'es plein de gratitude, dans tous tes sons on entend souvent, tu dis merci, et ça c'est très très important, la gratitude, même quand on commence à faire un petit peu parler de soi, souvent on a tendance à un petit peu se mettre ailleurs, et toi tu restes vraiment bien centré sur ce que tu fais, et puis surtout t'oublies pas de remercier les gens qui travaillent avec toi et ceux qui te soutiennent, et ça c'est important. Voilà, c'est grâce à eux que je continue à écrire. Donc. Surtout continuer à soutenir Hugo. Cette émission sera rediffusée pour les couches tard à minuit, sera présente sur notre page Facebook et notre site internet. Et puis, bien sûr, en lien avec le podcast de cette émission, on ne manquera pas de rediriger tous ceux qui le veulent vers ce que tu fais sur cette EP pour la famille de Hugo. Vous avez déjà écouté quelques sons de cette EP. Et puis, vous n'avez plus qu'à faire le reste. Soutenir Hugo. En plus, tu fais du bon son, t'es du coin, donc c'est vraiment ce qu'il faut et c'est le moment de te soutenir. Et puis, si jamais tu fais la première partie de Maître Gims, tu nous fais un coucou quand même. Pas de soucis. Tu nous le dis. Eh bien, écoute, Hugo, je te remercie encore mille fois d'être venu jusqu'à nous. On embrasse tous ceux qui te soutiennent et puis ton équipe à Airplay. Et puis, encore une fois, plein de bonnes choses à toi. À nos auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, en attendant, c'est comme tous les jours. Bonheur, joie et rire à tous.